Boubou Roche, comédie en deux actes de Georges Courteline, créée au Théâtre Libre le 27 avril 1893. Par Boubou Roche, Ponsarlès, un vieux monsieur Antoine, André Gémier, Potasse Arquilière, Roth Pinsard, Fouettard Dujeu, Amédée Verse, Adèle Irma Perrault. Et aujourd'hui, par Boubou Roche, Bernard Blier, un vieux monsieur Léo Campion, André Gilbert Gilles, Potasse Fernand Rosena, Roth Claude Marquand, Fouettard Jean-Claude Yo, Amédée André Tavernier et Adèle Sophie Desmarais. Acte premier. Un petit café d'habitué qui éclaire quelques becs de gaz. Au fond, la porte, de chaque côté de laquelle, sur les vitres de la façade, des affiches qui tournent le dos. À droite, vue de profil, le comptoir, où trône une pompeuse caissière, puis une série de tables de marbre qui viennent jusqu'à l'avant-scène. À gauche, longeant le mur, une égale quantité de tables. Au centre, une table isolée chargée de journaux et de brochures. Au lever de rideau, un vieux monsieur d'âge respectable, assis à une des tables de droite, devant une tasse de café, s'absorbe dans la lecture du temps. À gauche, près de la rampe, Boubou Roche joue la manille avec Potasse contre Roth et Fouettard, les reins dans la moleskine de la banquette. Grand amateur de bière blonde, il a déjà devant lui un beau petit échafaudage de soucoupe. Cependant que Fouettard et Roth, qui se sont attardés aux cartes et qui n'ont pas encore dîné, achèvent par petites gorgées l'absinthe restée en leur verre.